Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Oscar Romero, l'archevêque des pauvres, la voix des sans-voix. Stupeur au Salvador au lendemain de l'assassinat de l'archevêque de San Salvador, Monseigneur Romero, tué au moment où il célébrait la messe. La réaction a été immédiate et violente. 17 attentats à la bombe ont ébranlé le pays. Profonde indignation à l'étranger aussi, le pape Jean-Paul II et le président Carter ont dénoncé cet acte criminel. L'assassinat de Monseigneur Romero le 24 mars 1980 provoque la commotion au Salvador, suscite également l'indignation de la communauté internationale. Grand défenseur des pauvres, Monseigneur Romero sera assassiné pour les idées de progrès et de justice sociale qu'il défend. À la suite de cet assassinat, l'Église de Rome tournera en quelque sorte le dos pendant des années à Monseigneur Romero, jusqu'au jour où, en mai 2015, le pape François décidera de le béatifier et d'en faire un martyr. J'ai souvent été menacé de mort. Si on me tue, je reviendrai parmi le peuple du Salvador. Que mon sang soit le germe de la liberté et le signe que l'espoir se transformera en réalité. Un évêque peut mourir, mais l'Église de Dieu, qui est celle des peuples, ne périra jamais. Extrait du film Romero, réalisé par John Dwiggen en 1989, pour nous raconter l'histoire d'Oscar Romero, pour nous expliquer aussi le contexte qui va conduire à son assassinat en 1980. Je reçois Catherine Foisy, qui est professeure au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Catherine Foisy, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Ce qui est fascinant avec l'histoire d'Oscar Romero et dans son parcours, c'est qu'au fond, cet homme-là, il est historiquement intéressant dans les trois dernières années de sa vie, Catherine Foisy. Tout à fait. Alors, Oscar Romero, c'est vraiment l'histoire d'une conversion, c'est-à-dire que c'est un homme qu'on peut considérer comme étant davantage conservateur du point de vue de l'Église, mais qui, au cours des trois dernières années de sa vie, à la suite de l'assassinat d'un ami jésuite, Rutilio Grande, finalement ouvre ses yeux sur la réalité de son peuple et là va s'engager au niveau de la défense des droits de ce peuple-là et devenir, ce que vous disiez au début, la voix des sans-voix. Oui. Cette conversion, donc, en fera la voix des sans-voix, en fera quelqu'un qui écrira l'histoire, qui deviendra un personnage historique et évidemment conduira à son assassinat. Tout ça fait partie de la place qu'il occupera dans l'histoire du 20e siècle. Revenons quand même au début pour comprendre un peu avant qu'on arrive cette conversion, ce qui explique son conservatisme. Il va être une bonne partie de sa vie, au fond, un simple prêtre, un petit curé de village, d'une certaine façon. Commençons par le début, Catherine Foisy. Il naît donc au Salvador en 1917. À quel milieu appartient-il? Et comment en vient-il, est-ce que ça se passe rapidement, à la prêtrise? Alors, il appartient à une famille de 7 enfants, une famille paysanne dans le département de San Miguel, le village de Ciudad Barrios. Et à l'âge de 13 ans, il entre dans un séminaire, un petit séminaire, où il est formé par les Claretins. Et ensuite, il va être formé chez les Jésuites dans un séminaire, un grand séminaire. Et à la suite de ça, il va se rendre à Rome. Il va avoir une bourse parce que c'est un étudiant brillant. Et donc, il va poursuivre des études à la grégorienne, va être ordonné prêtre en 42 à Rome à l'âge de 25 ans et va donc ensuite revenir au pays sans avoir terminé la thèse de théologie qu'il avait commencé à préparer sur les questions d'ascétisme et sur la mystique. Donc, déjà, là, ça nous donne des éléments par rapport à la vie même spirituelle de Romero. Et voilà, donc il revient, il est nommé curé de paroisse dans le département de San Miguel et il va mener une vie plutôt simple. Ouais. C'est un homme qui est branché sur l'Évangile, mais en même temps qui noue des liens avec les milieux économiquement favorisés aussi du Salvador. Ce qui va être important au fond parce que il va peut-être, d'une certaine manière, jusqu'à la mort de son ami, souffrir parce que il est entouré de gens puissants. Effectivement, ses amis, il y a parmi ses amis des gens qui sont très puissants dans ce pays. Il va peut-être souffrir d'un certain aveuglement, même s'il est proche des gens, mais il voit pas nécessairement à ce moment-là la misère et l'injustice sociale que vivent une grande partie de ses paroissiens. Ce qui est aussi fascinant dans l'histoire d'Oscar Romero, c'est donc dans les trois dernières années de sa vie qu'il devient important historiquement, mais c'est qu'au fond, il commence, parce qu'il est prêtre, curé de village pendant 20 ans, au moment où ça décolle pour lui, si je puis dire, au moment où il commence à gravir les échelons de l'Église catholique, c'est au moment où l'Église catholique est en crise profonde. C'est la fin des années 60, c'est les débats autour de Vatican II, c'est en Amérique du Sud tout le débat autour de la théologie de la libération, Catherine Voisy. Tout à fait. Alors, Romero est nommé secrétaire de la conférence épiscopale du Salvador. Et à ce moment-là, l'Église catholique vient de faire un saut paradigmatique dans le temps. C'est-à-dire qu'elle vient de passer d'une Église qui se positionne en surplomb du monde à une Église qui entre dans le monde. Donc, c'est ça l'Église de Vatican II. C'est une Église qui prend la mesure, finalement, du détachement qui s'est opéré à travers le temps entre elle et le monde. Et dans le contexte de l'Amérique latine, les évêques réunis en conseil général à Medellín en 67 vont finalement décider d'une option préférentielle pour les pauvres. Et là, ça va lancer tout le mouvement de ce qu'on a appelé la théologie de la libération, qui est finalement une discussion avec une pratique. C'est issu d'une pratique des prêtres dans les bidonvilles, souvent, particulièrement au Pérou, Gustavo Gutiérrez. Donc, avec des gens pauvres, lire l'Évangile, lire la Bible, et en même temps, prendre acte et discuter avec le marxisme, discuter avec des économistes latino-américains qui nous parlent de théorie de la dépendance. Une foi engagée qui veut tout changer le monde. Ah oui, tout à fait. Et qui veut changer le monde et donner des outils, aider les plus pauvres à non seulement se prendre en charge, mais transformer ce monde-là. Mm-hmm. Parce qu'au même moment, on a le pédagogue Paulo Freire qui nous parle finalement de la manière dont les pauvres peuvent devenir des acteurs eux-mêmes, des sujets, donc des sujets de l'histoire. Alors, la théologie de la libération s'inscrit dans ce mouvement-là. Ça se passe donc, et c'est vraiment, il y a dans toute la chrétienté ce débat provoqué par Vatican II, mais particulièrement en Amérique latine, le débat est vif parce que c'est là où s'articule cette théologie de la libération. Ça se passe donc dans la cour d'Oscar Romero. Lui n'est pas là encore, mais pas du tout. Il gravit, je le disais, les échelons. Il est nommé évêque en 70. À ce moment-là, c'est pas rien, je le signale, mais et ça va créer une réaction dans le pays. Il invite le président du pays à la cérémonie qu'il consacre évêque. Déjà, il y a un message là qui est envoyé de proximité avec les puissants. Quand il est nommé archevêque de San Salvador en 1977. Là, vraiment, le clergé progressiste d'Amérique latine est sans connaissance. En tout cas, on s'inquiète beaucoup. Pourquoi? Ça nous dit quoi sur ce qu'est, à ce moment-là, Oscar Romero? Bien, ça nous dit qu'Oscar Romero, à ce moment-là, c'est réellement un homme qui est tourné vers... qui est plutôt clérical aussi, parce que quand il a été nommé en 70 évêque auxiliaire de San Salvador, on l'a mis en charge d'un bulletin diocésain et il lui a donné un tournant beaucoup plus clérical, donc très orienté vers la vie des prêtres. Alors, il n'était pas là en train de parler aux laïcs. Ça, c'était plein de petits signes qui montraient bien que c'est un homme qui est là pour servir l'Église, une Église qui est proche des puissants, une Église qui a elle-même des possessions, qui a elle-même des intérêts à défendre. Donc, c'est pas... on n'a pas un Oscar Romero en 77 au début de son mandat comme archevêque de San Salvador qui fait la défense ou la promotion des droits humains. En fait, pour les progressistes, c'est un adversaire qu'on vient de nommer archevêque. Et puis arrive donc ce moment, qui est vraiment une charnière, une plaque tournante pour lui, la mort de son ami, le prêtre jésuite Rutilio Grande. Pourquoi c'est si important pour lui? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour Oscar Romero? Ben, en fait, c'est réellement une conversion. Romero va dire, quand il a vu Rutilio étendu mort, j'ai pensé que s'ils avaient tué pour ce qu'il avait réalisé, alors moi aussi, je devais avancer sur le même chemin. Donc, il y a réellement à ce moment-là une interpellation devant cette mort-là et en plus, devant une mort qui ne sera jamais résolue. Il y a le sentiment aussi d'impunité qui est là, très présent, puis qui est très fort à ce moment-là au Salvador. Donc, quand on dit que c'est un défenseur ou que Romero devient un défenseur des envois, des droits humains, ben il y a réellement des enjeux. Il y a des assassinats politiques pratiquement tous les jours, mais on ne sait jamais, on sait sans savoir qui a assassiné. Et là, donc, il prend la parole, il prend tout à coup la défense des pauvres, il se bat pour... Si on avait à résumer, et ça sera beaucoup par la radio d'ailleurs, mais oui. Si on avait à résumer le discours qu'il porte à partir de ce moment-là. Le discours qu'il porte à partir de ce moment-là, c'est un discours de paix, de justice, contre la violence structurelle menée par les différentes factions qui peuvent s'opposer. Et c'est un discours évangélique. C'est le discours de dire, il le dit la veille de son décès, cessez la répression, ne suivez pas les ordres des hommes, suivez la loi de Dieu. Oui. On l'écoute justement parce que ça nous en dit beaucoup sur à la fois l'esprit, ce qu'il dit, mais le ton, la manière dont il aborde le monde et cette injustice. Effectivement, la toute veille de son assassinat, discours de Monseigneur Romero. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Je voudrais tout particulièrement lancer un appel spécial aux hommes de l'armée et concrètement à ceux de la garde nationale et de la police. Frères, vous êtes un seul peuple. Vous tuez vos propres frères paysans. Contre l'ordre de tuer donné par l'homme, faites prévaloir la loi de Dieu qui dit « Tu ne tueras point ». La ley de Dios que dice no matar. En nombre de Dios, pues. Au nom de Dieu et de ce peuple qui a tant souffert, dont les plaintes s'élèvent jusqu'au ciel, je vous en supplie, je vous en prie, je vous ordonne, au nom de Dieu, que cesse la répression. Les ordeno, en nombre de Dios, cesse la répression. Cessez la répression, 23 mars 80, la veille de son assassinat, discours de Monseigneur Romero. On entend bien dans cet extrait, on entend bien pourquoi Catherine Foisy, il dérange, il s'attaque directement à la junte militaire en place. C'est clair là, que ce discours-là de Romero dérange le pouvoir au Salvador. Oui, ce discours-là vient signer, de mon point de vue, son arrêt de mort. C'est-à-dire que c'est réellement, il met le doigt sur le bobo, sur ce qui fait mal. Et il appelle à la désobéissance des officiers, en fait, des soldats. Oui, tout à fait. Et il le fait au nom de Dieu. Donc, il reprend réellement son pouvoir qui lui vient de l'autorité sacerdotale, de l'autorité ecclésiale. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est très fort parce que là, on a vraiment un représentant de cette autorité-là, mais qui se bat contre un pouvoir terrestre. C'est très évangélique. Ouais. Et il est aussi, il veut que les choses changent. Il va même écrire au président parce que les États-Unis sont directement, l'ombre des États-Unis plane sur le Salvador. Il écrit en février 80, un mois à peu près, un peu plus d'un mois avant son assassinat, il écrit une lettre au président Carter. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui demande essentiellement d'arrêter de financer et puis de former, d'aider militairement le régime qui est en place. Il indique bien au président Carter que le peuple en a suffisamment des armes et des balles. Donc, basta, c'est bon. Ils ont bien vu, ils veulent autre chose. Mm-hmm. Ils veulent la justice, ils veulent la paix, ils veulent un pays où les paysans vont avoir une rétribution monétaire juste pour le travail qui est fait, où les femmes ne seront pas violées, où les enfants ne seront pas abattus. Mm-hmm. Donc, parce que des cas, là, il y a des cas depuis des années. Il est assassiné, donc, le 24 mars 80. Vous disiez, c'est probablement le discours de la veille qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a tout un contexte, la lettre à Carter, ses discours à la radio, ce discours du 23 mars 80. Le 24 mars 80, donc, il est assassiné. Pourquoi et comment ça se passe? Dans quelles circonstances on l'assassine? Et il est assassiné vers 6h25 de l'après-midi. Il est en plein moment de consécration du pain et du vin. Donc, au moment de l'Eucharistie. Et donc, il est assassiné d'une balle dans la poitrine, directement dans le cœur. Subito presto, c'est terminé. Le sang, et c'est très fort comme symbolique, parce que si l'objectif était de l'éliminer, alors ils ont... et de faire en sorte que la mémoire de Romero ne soit pas glorifiée par cet assassinat-là. Mmh. Bien au contraire, pour des croyants convaincus comme les gens qui étaient derrière lui au Salvador, et même à travers l'Amérique latine, ça fera le contraire, ouais. Parce que son sang est mélangé avec le vin consacré, le sang du Christ. C'est très fort comme symbole. Et de fait, l'assassinat de Monseigneur Romero va vraiment provoquer une onde de choc au Salvador. On écoute l'extrait d'un reportage de Normand Lester qui est diffusé le lendemain de l'assassinat, le 25 mars 80. Normand Lester, donc. L'assassinat de l'archevêque de San Salvador, qui s'était fait connaître pour ses dénonciations de l'oligarchie terrienne et pour ses prises de position en faveur de profondes transformations sociales dans le pays, va sans doute exaspérer encore plus, si cela était possible, les haines qui déchirent actuellement le Salvador. Depuis plusieurs mois déjà, certains dirigeants de l'Église catholique, comme Monseigneur Romero et la Compagnie de Jésus, sont la cible de l'extrême droite qui les considère comme les alliés des communistes parce qu'ils appuient les revendications des paysans déshérités qui constituent la majorité de la population du pays. Pour de nombreux observateurs en Amérique centrale, l'attentat d'hier contre Monseigneur Romero montre que l'extrême droite salvadorienne est résolue à provoquer une guerre civile, confiante qu'elle est que l'armée, dans une telle circonstance, lâcherait la junte réformiste actuellement au pouvoir pour rejoindre ses alliés traditionnels afin d'écraser dans le sang les forces de gauche qui, au Salvador, vont des chrétiens sociaux et des libéraux réformistes jusqu'aux organisations révolutionnaires marxistes. Les 17 bombes qui ont éclaté aujourd'hui dans le pays semblent indiquer que certains éléments d'extrême gauche sont également disposés à poursuivre l'escalade de la violence qui mène à la guerre civile. Le contexte est déjà explosif au Salvador au moment de l'assassinat de Monseigneur Romero. Quel impact va avoir politiquement, socialement, la mort de Monseigneur Romero, Catherine Foisy? Bien, en fait, ça va avoir un impact retentissant, c'est-à-dire que ça va faire en sorte que la situation politique ne va pas s'améliorer, elle va s'envenimer. Quelques jours plus tard, il va y avoir donc une messe pour célébrer les funérailles, et à cette messe-là, il va y avoir assassinat, c'est ce qu'on va appeler le massacre des rameaux, et donc il va y avoir plusieurs personnes qui vont perdre la vie, plus de 500 personnes blessées. Donc, c'est pas, on n'est pas là dans les semaines, les mois qui suivent ne vont pas améliorer ou la situation ne va pas se résorber, absolument pas. Et si on prend les choses sur un horizon beaucoup plus long, ben là, il y a des éléments dont on devrait discuter. Je crois que nous y sommes. Par rapport à l'Église catholique elle-même, oui, de Rome, la manière dont ça va être reçu, évidemment, c'est dénoncé. Cet assassinat-là est dénoncé par le pape Jean-Paul II, par Carter. Bon. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est comme si on parlait des deux côtés de la bouche, parce qu'on ne va pas le reconnaître comme martyr, absolument pas, du point de vue de l'Église de Rome, alors que pour le peuple salvadorien, c'est son martyr. En fait, Rome est un petit peu embêté avec cet assassinat-là, et on va même le critiquer à Rome, Romero. Ah ben oui, tout à fait, parce que Romero, à un moment donné, en vient à dire, ben écoutez, quand tous les moyens pour faire valoir les droits, pour faire entendre raison, pour faire triompher la justice, n'ont porté à aucun fruit, alors il faut, il reste quoi? Il reste prendre les armes, il reste la violence, il reste se défendre. C'est pas la violence pour la violence, sinon la violence comme arme de défense. Et puis le vent tourne le 23 mai 2015, quand le pape François procède à la béatification de Monseigneur Romero. Le martyr de Monseigneur Romero ne fut pas seulement au moment de sa mort. Il fut un martyr témoignage, une souffrance antérieure, une persécution antérieure jusqu'à sa mort. Il fut aussi, a poursuivi le pape, postérieur, parce qu'une fois mort, il fut diffamé, calomnié, traîné dans la boue par ses frères dans le sacerdoce et dans l'épiscopat. Le pape François laisse parler son cœur et puise dans sa mémoire de jeune prêtre qu'il était à l'époque, revenant sur une blessure qui marque l'Église latino-américaine. Le fait que seul Dieu sache les histoires des hommes donne de la force au pape, confie-t-il, car Dieu sait que l'on continue à lapider ceux qui ont donné leur vie ou qui sont morts avec la pierre la plus dure qui existe au monde, la parole. Extrait d'un reportage de Marie Duhamel diffusé à Radio Vatican. Que signifie, c'est pas rien, ce que François va faire en béatifiant Monseigneur Romero, qu'est-ce que ça signifie, ce geste-là, pour l'Église catholique? En fait, François a poursuivi finalement, et c'est assez paradoxal quand on sait l'histoire de Ratzinger, Benoît XVI. Benoît XVI avait démontré une ouverture en 2007 à ce que, donc, éventuellement, Romero soit béatifié. Donc, il me semble que ça, c'est un élément important. Maintenant, ça représente énormément de choses. C'est-à-dire que c'est une manière de reconnaître, finalement, non pas un idéologue de la théologie de la libération, un penseur, sinon réellement un praticien. Mmh. Et un homme qui était profondément marqué par l'Évangile. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Marie Duhamel parle bien d'un martyr par la parole. Oui. Bon, ben, le Christ, c'est exactement ça. Ce sont ses paroles qui l'ont fait crucifier. Bon, alors, cette parole-là libre, qui défend, qui prend le parti des opprimés, qui veut la justice, qui exige la fin de la répression, de la violence, eh bien, c'est ce qu'on va, c'est ce à quoi on va rendre hommage avec cette béatification-là. Mmh. Et on donne donc en modèle aux chrétiens du monde entier cet homme-là et ce type de parole-là, une parole prophétique. Ouais. Et si c'est Benoît XVI qui initie ce processus de réhabilitation, cette espèce de mea culpa aussi, je pense, de l'Église catholique face à Mgr Romero, c'est quand même François qui procède à sa béatification. Est-ce qu'il n'y a pas une parenté entre les deux hommes? Oui, tout à fait. En fait, c'est drôle que vous me posiez cette question-là parce que justement, en me préparant pour venir aujourd'hui, je me disais, ah, c'est quand même, malgré le fait qu'effectivement, c'est dans les trois dernières années de sa vie que c'est historiquement pertinent, comme personnage, il reste que c'était un homme qui marchait dans l'Évangile. C'est-à-dire que dès les premières années de son sacerdoce, c'est un homme qui mène une vie très simple. Mm-hmm. Un peu comme le pape François. Le pape François a renoncé aux appartements pontificaux, a renoncé à tout ce luxe-là. Et ce n'est pas non plus un homme qui s'est dit de la théologie de la libération, mm-hmm. le pape François. Mais c'est un homme qui est branché sur l'Évangile. Et je pense que si la conversion de Romero a été aussi forte, c'est parce qu'il était profondément marqué par cette voie-là et par ce chemin-là et qu'il l'incarnait. Parce que c'est de ça dont on parle quand mm-hmm. on parle d'un martyr. Aujourd'hui, Catherine Foisy, qu'est-ce qui reste au Salvador? Qu'est-ce qui reste de Mgr Romero? Qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui? Ben, alors, il incarne cette figure-là de défense des droits humains, de parti pris pour les pauvres, parce que la situation, elle ne s'est pas complètement résorbée, c'est-à-dire que il y a encore une vaste majorité de la population qui vit dans des conditions qui ne sont pas adéquates. Et je pense que c'est un homme qui pour le peuple salvadorien est un objet de grande fierté nationale. Mmh. Mais aussi, c'est un signe d'espérance pour les gens qui, au Salvador comme ailleurs dans le monde, souffrent et cherchent à défendre la justice et puis les droits humains. Et ça rejoint tout le monde à travers la planète. Catherine Foisy, professeure en sciences de religion à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.